Bon, deuxième partie, Daniel, où on va travailler sur les clés pour se défaire de la Ouais, culpabilité. puis comme j'allais dire, les clés, habituellement, c'est fait pour ouvrir une porte pour rentrer. Et là, on va s'en servir pour sortir. Mais on va rentrer dans quoi après? Un monde sans culpabilité. Ouais, un monde sans culpabilité, c'est culpabilisateur parce que tu sais pas si tu fais bien de pas te sentir coupable. Parce que tu as l'impression que, on pourrait dire, ton ange gardien, c'est ta possibilité de te sentir coupable. C'est ton ajusteur de pensée, ta culpabilité. Mais en réalité, ta culpabilité a juste absolument rien. Elle ne fait que te freiner, elle fait juste renforcer des concepts et des idées que tu as. Parce qu'une culpabilité, on s'en est servi dans la religion, par exemple, comme ajusteur, justement, comme ange gardien. C'est-à-dire que si tu te sens coupable, là, c'est parce que tu as fait de quoi de pas correct. Ça Ben, tort, renforçait les vice. règles. Si tu te sens coupable, c'est pas parce que tu as fait de quoi de pas correct, c'est parce que tu as fait de quoi qui va à l'encontre de ce que tu pensais qu'il fallait que tu fasses, puis là, tu sais pas si tu l'as bien fait ou non. C'est ça, culpabilité. Mais c'est pas parce que tu as fait de quoi de pas correct, mais ça a été très, très bien pour pouvoir backer notre culpabilité comme il faut. Si tu te sens coupable, pense-y, parce que tu as fait de quoi de pas correct. Crime. Je me suis déshabillé, puis je me suis vu dans le miroir. Yark. Oh, pas qu'un body comme le mien, à tabarnouche, non, mon gars. Mais, tu sais, je Bon, veux dire. donc. Non, pas ici, je sais pas pour mettre les preuves sur la table. Mais, tu te sens coupable, pourquoi? Pour rien. C'est pas parce que t'as fait un péché. Je me souviens, moi, quand j'allais à l'église, quand j'étais petit, j'inventais des péchés parce que je trouvais pas quel péché donner au prêtre, tu Tu sais. te sentais coupable de Je ne me pas avoir sentais de coupable en péché. tabarouette de pas avoir de péché, mais après ça, je me sentais coupable d'y en avoir fait. D'y en avoir inventé. Ouais, avec un moment donné, tu disais tout le temps à mon père, j'ai péché. Tu n'étais pas capable de mettre la liste, mais au moins tu disais que tu savais que tu avais fait quelque chose de pas correct. C'était Ouais, correct approximativement. Comment d'avoir se fait quelque chose de pas libérer de la correct. culpabilité? Bon, alors je récapitule. Et un monde sans culpabilité. Un monde sans culpabilité peut fonctionner seulement à la condition que les personnes qui ne vivent plus la culpabilité vivent d'intelligence, soient intelligents. Parce que la personne, justement, qui assomme tous ses confrères et consoeurs qui lui font concurrence dans le même marché que lui, Puis qui sent pas ça somme à coup coupable. de batte, puis qui sent pas coupable, ben, il est pas géré par l'intelligence. Mais de toute façon, il va finir par se sentir coupable, parce que justement, il est pas intelligent. Intelligent, je parle toujours dans le sens intelligence active, pas dans le sens intellectuel. Il est pas il est intellectuel, mais il est pas intelligent. Alors, la société qui va vivre sans culpabilité, c'est une société qui aura plus besoin de donner de contravention, parce que l'individu va comprendre intelligemment pourquoi des choses doivent se faire, des choses qui ne doivent pas se faire. On n'aura plus besoin de mettre des lois contre le braconnage. On n'aura plus besoin d'interdire ou d'obliger le monde de suivre des cours de maniement d'armes à feu. On n'aura plus besoin de bien des choses. Mais est-ce qu'un monde sans culpabilité où la culpabilité va disparu et où maintenant ça va être un règne d'intelligence, est-ce qu'il va y avoir encore du braconnage? Est-ce qu'il va y avoir encore des excès de vitesse? C'est-à-dire, est-ce qu'il y en a C'est-à-dire qui que vont traverser les rouges? pas si les individus sont intelligents. Si, comme tout à l'heure, on parlait du nombre d'enfants qui se font écraser quand ils débarquent d'un autobus scolaire à tous les années, malgré n'importe quoi, puis qui se font écraser par des autobus scolaires, par des autopatrouilles, par des civils, par le père, c'est pas intelligent tellement. Alors, malgré tout ce qu'on fait comme propagande pour culpabiliser l'individu qui dépasse un autobus scolaire arrêté avec les signaux allumés, l'individu traverse pareil parce que l'individu n'est pas intelligent. Il se sent coupable après l'événement, il se sent rarement coupable avant l'événement. Sauf quand c'est des événements qui sont extrêmement ancrés dans la morale. Tu vas te sentir coupable avant de te déshabiller devant quelqu'un, même si c'est ton médecin ou même si c'est ton miroir. Mais tu ne te sentiras pas coupable avant de dépasser un autobus scolaire qui a les signaux arrêtés. Quand tu frappes un enfant, tu te sens coupable. Ces deux culpabilités-là ne changent rien et ne servent à rien. Mais si tu as une société, présentement, ce n'est pas le cas, mais ça va venir. Si tu as une société intelligente, une société qui est plus manipulée par la culpabilité, ben, là, cette société-là, tu n'as pas besoin justement d'instaurer de loi parce que instinctivement ou intuitivement, l'individu va lui-même adopter des lois. Des lois qui vont être changeantes comme les feuilles et les arbres, des lois qui vont être changeantes comme l'individu change, qui vont suivre l'évolution de l'individu. Pas une loi qui dit que présentement, si tu amènes ton cheval au Queen Elizabeth, ils sont obligés de le loger et de le nourrir. Puis s'ils le font pas, tu peux poursuivre, tu gagnes. Parce qu'il y a une loi qui est passée sur l'île de Montréal qui fait que si quelqu'un arrive avec un cheval, l'hôtel est obligé de le loger, de lui fournir une litière et de le nourrir. Puis elle existe encore, cette loi-là. Faut dire qu'elle Bon. est assez ancienne. Elle est ancienne, elle n'a pas été abandonnée. Dernièrement, vois-tu, en 76, je crois, le ministère des Affaires sauvages du Canada changeait de nom pour le ministère des Affaires indiennes. On pensait que ça faisait longtemps que c'était changé. Non, non, non, non. Sur les papiers officiels, c'était le ministère des Affaires sauvages. Alors, si tu as des lois, justement, qu'on a ici, nous autres, qui sont écrites, puis doivent être écrites parce que l'homme n'a pas de mémoire, c'est-à-dire que l'homme a une mémoire, mais l'homme ne contrôle pas sa mémoire. La mémoire contrôle l'homme. Alors, ce qui fait que l'homme n'a pas de mémoire dans ce sens-là, l'homme n'a jamais à sa conscience le schéma mémoriel qu'il a besoin. Il a à la conscience le schéma mémoriel qui veut bien se présenter à la face. D'ailleurs, un individu qui a plus de mémoire, c'est un individu qui a plus de contrôle sur, justement, son astral mémoriel. Alors, tant que, vu que l'homme n'a pas de mémoire, l'homme collectif, pas l'homme individuel, c'est toujours la collectivité qui est la cause, et non jamais l'individu. Alors, vu que l'homme n'a pas de mémoire collective, une possibilité, justement, de se servir de sa mémoire, on instaure des lois qui sont sur papier. Des aides-mémoire. Oui, des aides-mémoire. Mais l'homme change, papier ne change pas. Alors, ce qui fait qu'il vient à un moment donné que ces lois-là ne sont plus adaptables. On les change lentement. Si tu regardes, c'était interdit, puis non seulement interdit, mais absolument obscène, qu'un homme monte dans un autobus de la ville sans chandail. Bon. Présentement, c'est plus obscène, mais bon, pour une certaine génération d'âge, on l'interdit, mais tu peux quand même t'asseoir sur ton balcon en avant de la maison sans chandail ou en costume de bain. Mais ça a duré longtemps que c'était interdit parce qu'obscène. Puis le gars qui le faisait, il se sentait coupable. Puis s'il ne se sentait pas coupable, on s'organisait en tabarouette pour qu'il se sente coupable, le gars. Tu sais? Alors, ce qui fait que, bon, les lois changent par bloc de 10 ou 15 ans, ou 20 ans, ou 50 ans. Puis l'individu change toutes les minutes. Un être, une société intelligente, ne peut pas vivre une culpabilité parce que la société fait quelque chose en fonction d'un ordre logique qui est établi par rapport à la collectivité dans laquelle il vit, c'est-à-dire que si je dois nourrir mon corps physique, ben je vais m'arranger pour ne pas polluer tous mes légumes, pour ne pas tout laisser pourrir. Si je dois donner de l'eau à mon corps physique, ben je vais évidemment m'organiser pour ne pas que je pollue toutes mes rivières, si je suis intelligent. Mais aujourd'hui, on a quand même besoin de manger, besoin de boire, puis on pollue notre nourriture, on met plein d'ingrédients dedans pour... on remet les ingrédients qu'on a ôtés, mais on les préfère chimiques. Puis on fait des lois pour le monde... On pollue l'eau, et puis, puis on se sent coupable de tout faire ça. Puis on fait des mouvements pour empêcher ça, mais on n'a rien qu'à changer nos lois. Mais si on change nos lois, ça crée des conflits, on a peur de créer des conflits, on a peur de ne pas savoir si on doit changer tout de suite, on a peur de savoir si le monde est prêt ou pas prêt. Le monde est prêt à boire de l'eau pure, je le dis, moi. On peut essayer sûrement. Oui, mais on ne le fait pas, parce qu'on se sent toujours coupable. L'individu qui doit amener un changement, s'il n'est pas intelligent, va se sentir coupable s'il rate son coup. Il va se sentir coupable d'être la tête d'affiche de ce changement-là, d'être le leader du changement. Puis l'individu va avoir peur d'instaurer ce changement-là, même s'il est premier ministre du Canada ou du Québec. Alors, il faut absolument qu'il y ait un groupement en arrière pour le baquer. Il faut absolument qu'il y ait différentes choses qui vont lui donner une certaine rassurance. Pas qu'il ne se sente pas trop coupable. Il va toujours se sentir coupable pareil. Tu vas pour passer une loi, puis tu rates ton coup. Tu passes une loi, puis elle n'est pas bonne. Quand il a instauré la ceinture de sécurité, le gars qui l'a instauré, il a dû se sentir coupable en tabarnouche. Mais combien de vies que le gars a sauvé? Puis ça, c'est pas le public qui n'a pas eu d'accident qui peut dire ça. C'est le public qui travaille sur les véhicules d'urgence, puis qui travaille dans les salles d'urgence, des hôpitaux. Eux autres, ils peuvent te dire en tabarouette que ça a sauvé des vies, puis ça a empêché des blessures extrêmement graves. Mais le gars qui a passé ça, cette loi-là, ou ben non, mettre des casques de moto, c'est motard. Les gars n'ont pas de tête. Ça ne dérangeait pas de ne pas mettre de casque. Mais à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes, puis il y a beaucoup de personnes qui n'avaient une tête, puis qui tenaient à garder leur tête sur leurs épaules. Fait qu'on leur a suggéré de mettre des casques de moto. Personne ne l'a fait. C'était plus le fun d'entendre le vent siffler dans les oreilles, tout ça. C'est vrai que c'est le fun, mais quand tu pognes une débarque avec ta moto, c'est pas le vent que tu entends siffler dans les oreilles, c'est l'asphalte. Là, t'es mieux d'avoir un casque. Bon, alors le monde, il vante les émotions, puis il vient à un moment donné qu'on est obligé d'instaurer. Le gars qui a instauré ces changements-là, changement radical, il y a eu des protestations, il y a eu un paquet d'affaires. Le gars, il a dû se sentir coupable en tabarnouche, puis il a dû douter longtemps, en maudit, savoir s'il a bien fait ou pas bien fait. Ou peut-être pas. Sinon, on l'aurait pas fait. Oh non, non, il y en a qui le font pareil parce que l'individu est correct, mais à un moment donné, il y en a qui se sentent coupables en maudit. Le gars, là, qui traite les policiers de bœufs, puis de chiens, puis n'importe quoi, là, puis qui se fait sortir de son char quand il est en feu par un chien, là, puis qui doit la vie, là. Ben, le gars, s'il est intelligent, il va simplement, il ne se sentira pas coupable d'avoir traité le chien et tout ça tout le temps de même, puis d'en avoir boxé. Il y en a un gars que j'ai connu qui il aimait ça se faire poursuivre par la police. Parce que quand la police l'arrêtait, il arrêtait. Quand la police venait, il sortait son char, puis il tapait son poing d'en face, puis il se sauvait. Juste pour le trip de faire ça. Bon. Alors, le gars, il se sentait déjà coupable, puis le gars voulait absolument, comme tout à l'heure, je t'expliquais, se prouver qu'il n'était pas coupable. Le gars, il s'est instauré un chemin. Puis, pour pas avoir l'impression que son chemin n'est pas bon, il fallait que le gars l'applique jour sur jour. À l'instant qu'il pogne un policier deux fois gros comme lui qui accroche son poing puis qui en est en pain, le gars, là, son schéma vient de tomber. Ben, il se réessaye encore, puis il se dit que... À un moment donné, il va prendre la vie sans charge. Ils peuvent être pas tout aussi gros que lui, puis continue. Si tu te sens coupable, c'est parce que tu as un concept, une idée de quelque chose. Et puis tu te sens coupable parce que tu veux agir ou tu as agi à l'encontre de cette idée-là. Ou tu aurais voulu agir. C'est ça, tu veux agir ou tu as agi. À l'encontre de cette idée-là, tu te sens coupable. Parce que tu attaches de l'importance à ton concept, parce que tu ne sais pas que ton concept, c'est un concept, puis que ton idée, c'est une idée. Quand tu penses que le concept, c'est un fait établi, immuable, inchangé, c'est un fait. Quand tu penses ça, là, tu es non seulement dans l'illusion, mais tu es sujet à la manipulation par la culpabilité. Alors, si tu saurais que j'ai l'idée, moi, qu'il faut manger avec une cuillère, puis une fourchette, puis donc il faut placer le couteau tel bord, puis la fourchette tel bord, là, quand tu as des invités, là, bien, si je savais que c'est rien qu'une idée, ça pas la toute, puis qu'il faut dire, c'est pas grave. Le gars, il émettra bien ce qu'il voudra. Puis si le gars est offusqué, c'est ses affaires. Il attache l'importance à une chose absolument ridicule. Dans 10 ans, 17, le gars, il mettra comme qu'il voudra encore, moi, ça ne change rien. Si tu sais que ton concept, c'est un concept, puis que ton idée, c'est une idée, bien, la culpabilité, là, elle commence à perdre son support. Elle commence à perdre son soutien. Alors, en prenant conscience, justement, que tes idées, c'est juste des idées, que c'est pas une chose qui est établie, c'est pas une loi immuable, même les lois qu'on a, même les lois naturelles, c'est des lois qui sont muables. C'est pas des lois inchangeables. Si tu sais que moi, j'ai le concept, par exemple, que, bon, quand quelqu'un a besoin d'aide, un accident d'automobile, ben, je dois aller les aider. Bon. Alors, il arrive à un moment donné où c'est que ça arrive, tout ça, puis là, il y a quelque chose qui me bloque. À un moment donné, ben là, si je m'observe un peu, ben j'ai peur de ne pas être capable, j'ai peur que le monde rise de moi, j'ai peur d'être d'ingambe. Ça, c'est une maudite bonne excuse qu'on se donne, d'être d'ingambe. Il faut lui donner de l'air pour qu'il respire. Je suis brûle, c'est pas besoin d'air, c'est pas de l'air qu'il a besoin, qu'on le sorte de là. Mm-hmm. Mais je vais me brûler, j'ai ma famille, j'ai mon entreprise. Là, on se donne un paquet de raisons pour camoufler notre culpabilité d'action. Une fois que, bon, le char a sauté, tout est fini, tu t'en vas chez vous, puis là, j'aurais donc dû y aller. Mais là, ça ne sert à rien. Là, tu es encore en train de jouer avec ça. Tu avais un concept qui te disait d'y aller. Tu avais un concept qui te dit, il faut que je garde ma face. T'sais, ça, c'est l'orgueil. C'est un concept, l'orgueil. T'as un paquet de concepts pour protéger l'ego. Ça, l'orgueil. Alors, ces concepts-là disaient, vas-y pas, le cave, si tu manques ton coup, ils vont rire de toi. Si le chat te pète dans la face, tu vas passer des journaux, mais tu vas passer là pour un cave. Mais c'est encore de la culpabilité. Automatiquement, c'est ça. Mais, par après que le chat a sauté et tout ça, tu peux dire pareil. T'avais un autre concept, parce que là, on a toujours des concepts antagonistes, puis ça crée des conflits à l'intérieur de lui. Il appelle ça des émotions, souvent, mais c'est ça. Alors là, je me dis, j'aurais dû y aller. Mais t'aurais pas dû y aller. Tu y as pas été. Prochaine fois, ça arrive, tu iras, septembre, mais t'as pas à te culpabiliser, savoir si t'as bien fait ou non. Mais vu que t'as une idée, si tu te dis, j'aurais dû y aller, mais pourquoi j'aurais dû y aller? Pourquoi je me dis que j'aurais dû y aller? Tu sais, quand tu te rends compte ton concept, ton idée, c'est rien qu'un paquet de mots collés ensemble, auquel tu as mis une certaine importance, que tu accrédites, quand tu te rends compte de ça, ta culpabilité s'évanouit drôlement vite. Comme tout à l'heure, je disais, t'allumes un feu dans le bois, tu fous le feu à la forêt. Culpabilité ou pas, il va falloir des pompiers. Oui, mais ça, toutes ces choses-là, ça a l'air facile. À un moment donné, je pense que ça peut laisser tellement de place à, bon, ben là, tu sais, tout le temps l'idée, ah, ben je me suis échappé, ça me sert à me culpabiliser, puis c'est une répétition. Non, la vie va te l'enseigner, fais-moi confiance. C'est la deuxième fois que je fais une gaffe, mais... Quand on a mis le feu deux fois dans la forêt, la troisième fois, tu brûlais avec. Peut-être pas. Non, mais tu vas voir qu'à un moment donné, la vie va finir par te booster, puis tu vas finir par comprendre qu'il faut aller suivre un cours comment allumer un feu, pas un incendie. Tu sais, ou tu t'en vas pompier pour payer un peu de karma. Si tu es dans le feu de l'action, c'est la meilleure place, c'est d'être pompier. Tu sais, puis quand tu as fini, tu vas à ta veine par arroser ça. Bon, en tout cas. Alors, ce qui arrive, c'est que ta culpabilité, si tu es intelligent, présentement, une personne qui souffre de culpabilité, c'est une personne qui est manipulée par son astral, puis qui est manipulée par l'astral sociétaire ou planétaire. T'as fait un péché, ou t'aurais pas dû faire ça, ou t'aurais dû faire ça, ou en tout cas, un paquet de choses dans le genre. La culpabilité s'adapte tout le temps à quelque chose qui est passé, jamais à un événement présent. Oui, mais quand on se sent coupable, à l'avance, oui, ben, c'est un événement passé. Sans doute pas capable de le faire. C'est un événement passé pareil. Tu compares déjà un paquet de choses mémorielles, OK? Et puis là, tu juges à partir de ça, pas à partir de l'événement. Je serais sans doute pas capable, mais c'est pas l'événement qui te le prouve. tu le fais pas, l'événement. Tu peux pas juger à partir de l'événement. Tu juges à partir de possibilités, puis tout ça est mémoriel. Tu sais que des fois, on rate son coup, puis des fois, on réussit. Puis comme toi, tu es plus enclin à penser que tu ne vaux rien, bien, tu te culpabilises d'avance de ne pas l'essayer, parce que d'un coup, tu rates ton coup, bon, etc. La culpabilité, c'est juste un frein. Si tu commences à vivre ta culpabilité, tu as peur de rentrer dans une librairie ésotérique parce que le monde va rire de toi, le libraire, il va rire de toi parce que le libraire ne crée pas à rien, il est là, il fait de l'argent. Bien, si tu ne vis pas cette action-là puis que tu n'observes pas ta culpabilité pendant l'action, tu n'arriveras pas à te libérer de ta culpabilité. La culpabilité est un frein, puis la freine, elle te laisse dehors. Tu regardes la vitrine de loin, tu fais comme si tu checkais le magasin d'à côté, tu regardes de bien les livres de librairie ésotérique, puis c'est tout. Ou encore, tu te promènes sur la rue, fait quatre fois que tu passes devant le cinéma avec des grosses photos de fesses. Tu t'arrêtes pas pour les regarder, mais tu repasses souvent pour les voir. Parce que, tu sais, puis là, tu passes, puis là, t'as monsieur qui est là, puis qui regarde ça, là, lui, là, puis qui a l'air bien d'aimer ça. Puis, il sent pas gêné, lui. Puis là, pour te protéger, tu peux dire, gars, le cochon. Fait quatre fois que tu passes en avant, t'es aussi cochon que lui, sauf que lui, il est plus libre que toi. Tu sais? Alors, ce qui fait que ta culpabilité, faut que tu la vives. Vas-y donc devant le panneau, puis regarde donc, toi, avec. Alors, regarde le panneau si ça tente, mais non, observe-toi, toi. T'es aussi tout nu que la fille sur le panneau. Observe-toi, profite-en. Puis qu'est-ce qui se passe comme culpabilité? Après une demi-heure de contemplation du panneau, tu vas t'en aller, tu ne te sentiras plus coupable. Demain, tu vas encore commencer à te sentir coupable. Culpabilité, c'est avec des choses qui ne sont pas vécues. Mais si tu vis réellement ta culpabilité, puis tu l'observes, elle va disparaître. Quand est-ce qu'elle lâche? Elle lâche quand l'homme devient assez intelligent pour pouvoir manipuler lui-même son astral au lieu d'être manipulé par son astral. Elle lâche quand l'être vient assez intelligent pour pouvoir contrôler sa vie au lieu de le laisser contrôler par les autres, c'est-à-dire par tout ce qu'il peut emmagasiner des autres, c'est-à-dire par sa mémoire, c'est-à-dire par son astral. Là, l'homme devient libre de la culpabilité. Mais ça commence quand? Ça commence il y en a qui, à chaque cigarette, qu'ils prennent, ils se disent « Je devrais donc pas la fumer, c'est pas correct, m'a arrêté, je suis pas fin. » Puis là, ils se calent, Oui, parce que le gars, il y a un concept qu'il devrait arrêter de fumer parce que c'est pas bon. Le gars, il fume, puis il continue. Cigarette en arrière de cigarette, il va fumer 24, 48 cigarettes par jour. Sa cigarette lui ôte bien des culpabilités. Sa cigarette lui donne de l'assurance. Peut-être même pas, il y en a qui sont malades comme des chiens à chaque cigarette aussi, puis ils continuent. Oui, parce que le gars, ça lui donne quand même pas mal de... Ça lui donne des satisfactions de toute façon qui sont intérieures, qui sont physiques et qui sont émotives. Alors, le gars, ça le rassure pour bien des jeux inconscients, psychologiques ou même... Mais là, il est tiraillé en deux souffrances. Oui, parce que la personne ne sait pas comment. La personne, elle, quand elle a un conflit, elle décide de le contrôler. Elle crée un deuxième conflit. C'est pas en ayant plus de conflits qu'on règle nos conflits, c'est pas vrai, hein, c'est logique. Alors, la personne qui fume, elle a déjà un problème. Si la personne veut arrêter de fumer, elle a déjà un deuxième problème. Puis si la personne désire de mettre ce vouloir-là en application, elle crée un troisième problème. La personne qui fume, à un moment donné, par l'intelligence, par l'autosuggestion, par l'acupuncture, par l'hypnose, par bien des manières, elle peut, sans conflit majeur, mettre fin à ce problème-là. Mais la personne qui se culpabilise tout fait qu'elle allume une cigarette puis qu'il l'allume quand même, est masochiste, inconsciemment, c'est une personne qui aime d'ailleurs souffrir. Il y a beaucoup de personnes qui se plaignent de tout le temps être malades. Mais ils n'auront jamais suivi une cure complète de guérison chez n'importe quel médecin. Ils ont besoin d'être malades parce qu'ils se servent de ça pour justement attirer l'attention. Alors, c'est pas une culpabilité. Ça, là, c'est ils un complexe. Ils sont coupables d'être malades, puis ils n'auront pas montré à personne qu'ils sont malades. Bon, la personne qui se sent coupable de fumer puis qui fume pareil, hein, c'est une personne qui justement a le concept de devoir arrêter de fumer. Concept qui a été bâti à partir de lectures, de ses amis, à partir de publicité. Et puis qui est mêlé avec d'autres concepts comme quoi elle doit fumer, bon, parce que ça lui rassure, c'est plus adulte, des concepts qui sont devenus inconscients à un moment donné. Puis il y a toujours l'appel du corps à la nicotine, parce qu'il y a un phénomène physique de la cigarette, que j'ai déjà expliqué d'ailleurs, qui n'est pas psychologique, qui est simplement qu'il y a certaines choses, certaines matières qui sont sécrétées par l'organisme, certaines protéines, qui vont aller obstruer certains trous à l'intérieur du cerveau. Quand je parle de trous, c'est des trous de type cellulaire. Ça ne paraît pas. Mais la nicotine va, elle, annihiler la sécrétion naturelle de ces hormones-là, de ces choses-là, qui vont obstruer ça. Et en annihilant ça, la nicotine prend la place de tout ça dans l'intérieur du cerveau. Alors, ce qui fait que quand la personne ne fume plus, puis à un moment donné qu'elle manque de nicotine parce que le sang l'élimine, la faculté de sécréter ça est disparue chez l'être qui fume. D'accord, et le cerveau a un rétrécissement interne, c'est-à-dire que le cerveau sent qu'il a un vide. Ça crée une angoisse terrible physique, ça crée automatiquement une angoisse psychologique terrible parce que le cerveau est le lien entre l'astral et le contact extérieur et le mental. Alors, tout se passe au niveau du cerveau. Alors, vu que ça crée un schéma très inconfortable pour l'individu, bien, l'individu va chercher une cigarette. Il y a besoin de combler ça. Par l'acupuncture, on peut refaire sécréter automatiquement par le corps, naturellement par le corps, ces substances-là qui vont combler les trous naturellement. Donc, la personne n'a plus besoin de fumer. Et si psychologiquement, elle est prête à arrêter, bien, elle n'aura plus besoin de fumer physiquement. Et puis, à la longue, bien, elle va recommencer à sécréter ça. Sauf qu'en attendant, bien, la personne a un besoin. Si c'est un besoin psychologique qui entretient la cigarette, elle va manger, elle va occuper sa bouche. Alors, elle va peut-être bloquer sur une phase buccale de son enfance, là. Mais de toute façon, la personne qui se culpabilise de fumer, c'est une personne qui a l'idée qu'elle devrait arrêter. Puis cette idée-là, c'est rien qu'une idée. Tu vas arrêter à un moment donné, peut-être. Mais c'est pas en te culpabilisant que tu vas arrêter. Tu fais rien qu'entretenir ça. Tu t'attaches tellement d'importance à ce phénomène-là que tu l'entretiens. Okay. La personne qui a rien qu'une attache physique, ben là, il va falloir qu'elle passe par des cures physiques. Oh, c'est un individu qui a en masse de volonté à un moment donné. Oui, elle peut continuer de fumer avec. C'est sûr, ça sans se sentir coupable de fumer. Non, c'est beaucoup plus important de fumer sans se sentir coupable que d'arrêter ou ben non, de fumer en se sentant coupable. La culpabilité est bien pire que la nicotine à l'intérieur du corps humain. Alors, Christy, c'est incroyable ce que la culpabilité peut amener. C'est réellement, réellement dégueulasse. Une souffrance, comme tout à l'heure je disais, qui est inouïe, qui est incroyable. Il y en a qui se sentent coupables de vivre. La culpabilité, là, il y en a qui se sentent coupables de n'importe quoi. Tout dépend du concept que tu t'es instauré, que tu te tiens à appliquer. Tout dépend de l'idée maîtresse qui dirige ta vie ou des idées mineures qui vont diriger les parcelles de ta vie, les étincelles de ta vie. Mais quand tu sais que ces idées-là ne sont que des idées, pourquoi il faut absolument que tu marches sur le bord de la rue quand tu te promènes avec une femme? Pourquoi il faut absolument que tu laisses ta place? Il y a pas quelque chose dans le genre qui fait qu'à un moment donné, tu te sens coupable si tu ne le fais pas. Pourquoi? C'est l'éducation. Ça tente de le faire, fais-le. Mais... Le mâle protecteur de la femelle, ben, tu peux y penser longtemps, mais il vient à un moment donné que la femelle est aussi intelligente que l'homme, puis elle a les mêmes outils pour se défendre. Les tigres attaquent plus les villages maintenant, tu n'as plus besoin d'avoir le gros mâle protecteur de la femelle. Les revolvers, ça existe, ça peut s'en servir autant que n'importe quel homme. Bon, alors ce qui fait que, tu sais, c'est dingue des idées. Pourquoi que je dois faire ça? Pourquoi que je suis gêné de faire telle chose? Bon, c'est la culpabilité. Tu sais, la culpabilité est souvent très, très proche de l'orgueil. Mais pourquoi ces choses-là qui me freinent continuellement? Alors, si je suis intelligent et que j'ai décortique, je peux pas le faire plus. Pas grave, ça. Essaye pas de le faire plus. Tu l'as décortiqué, c'est parfait. Il faut oublier à un moment donné, tu es capable de le vivre. Tu vas te sentir coupable peut-être un peu, peut-être que non. Puis à un moment donné, c'est passé parce que tu as l'intelligence de te rendre compte de l'illusion de ta culpabilité. Tu n'attaches plus d'importance à tes idées et à tes concepts. Tu peux plus te sentir coupable. Tu te sens coupable seulement si tu crois à tes idées. Ou aux idées qu'on t'implique, Les idées sont encore nécessaires dans la manifestation. Aucun rapport. L'idée est nécessaire, mais pas importante. L'idée n'est pas une réalité. Seule la réalité est réelle. Non? Noté, c'est cité par Daniel Kemp. Voilà. Mais de nos jours, la culpabilité vient automatiquement maintenant que l'idée. Étant donné que tu y attaches une importance. Parce que l'homme ne sait pas c'est quoi une idée. Parce que l'homme ne sait pas c'est quoi un concept. Comprendre c'est quoi un concept, c'est le premier pas vers la libération. Libération. Libération de quoi? Libération de ce qui est connu. Libération de ce qui est mémorisé. Un concept, c'est une idée. C'est l'amalgamation de différentes idées qui finissent par créer une idée qui est majeure, qu'on appelle un concept. Je crois à la réincarnation. Pourquoi? Parce que c'est logique. Parce que c'est évident que... Tu ne sais pas si c'est vrai ou non. C'est un concept que tu as, qui te protège, qui te permet de bien dormir la nuit, qui t'empêche d'avoir peur de mourir. Mais c'est un concept, c'est un paquet de mots, c'est une idée. Je crois qu'on ne devrait pas enseigner l'éducation sexuelle aux enfants parce que c'est pas correct. Ben, t'as vice, tu serais pas venu au monde si ça n'aurait pas été, si ça, c'est une chance, c'était correct, hein, parce qu'il y aurait eu bien des problèmes dans la société. Hein? Alors, pourquoi qu'on ne devrait pas le faire? Parce que c'est pas correct. Pourquoi? Parce que toi, t'es culpabilisé de le faire, parce que toi, t'es gêné de le faire, puis pour te donner une excuse de l'être, tu décides que c'est pas correct, puis tu l'instaures encore dans l'éducation de ceux qui suivent. Un projet. Mais c'est un concept, c'est une idée. Alors, quand l'individu arrive à comprendre c'est quoi un concept, bien, m'a dit franchement, il change ses valeurs en tabarouette. Puis ces concepts sont mémoriels, c'est des apprentissages. Puis quand l'individu comprend que l'idée n'est qu'une idée, que le concept n'est qu'un concept, donc que ce sont que des illusions, qui peuvent être très utiles tant qu'ils ne sont pas les maîtres. Il faut qu'ils soient les esclaves. Esclaves de quoi? De l'intuition, de l'intelligence. Il n'y a plus aucun problème. Mais tu te sens plus coupable de quoi que ce soit parce que c'est pas important que tu aies fait selon ton idée ou non. Puis c'est pas important que tu aies réussi ou non. Les échecs personnels qu'on parlait tout à l'heure, qui sont des culpabilités que tu as appris à l'école. Faut que tu aies des bonnes notes, tu fais des compétitions, faut que tu gagnes, tu as des petites étoiles dans ton cahier, des petites étampes d'animaux, hein, tu te souviens de ça. Bon, toutes ces choses-là, c'est des phénomènes qui sont valorisants pour celui qui marche et puis qui sont dévalorisants et extrêmement culpabilisateurs. Tu vois, je devrais me sentir coupable de ne pas parler comme il faut. Pour celui, justement, qui ne fonctionne pas comme il faut. En espérant le faire fonctionner comme il faut. T'es bon en arithmétique, je te mets des petites étoiles. Ton collègue, lui, est bon en dessin. C'est le plus grand dessinateur qu'on aura pas. Mais pour l'instant, l'arithmétique n'est pas bon. Lui, je mets un chapeau de l'ange, je le mets dans le coin. Puis parce que je le culpabilise, il ne sera jamais un bon dessinateur non plus. Parce que je le défais au complet. Parce que moi, je ne suis pas intelligent, puis je n'ai pas réussi à le placer dans le cadre qu'il avait besoin pour être aussi bon que toi qui es bon en mathématiques. Mais comme l'individu doit fournir un mécanisme sociétaire, on a besoin de différents individus, et puis on se fout carrément de savoir si lui, il a telle ou telle affinité. Alors là, c'est un très gros problème d'éducation. C'est qu'on fait arrêter un concept de savoir que les mathématiques sont plus valorisantes que le dessin. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'individu qui arrive à sa plénitude a de la valeur. Pas l'individu qui arrive à la plénitude d'un autre, qui doit emprunter la vie d'un autre ou le concept d'un autre pour être valorisé par rapport à une masse ou à une société. Quelle valeur a un individu dans la société? Absolument rien. Le vidangeur, là, on se dit moralement qu'il n'y a pas de saut métier, mais il y a un maudit paquet de métiers que tu ne voudras pas faire. Alors, il y a plein de faux métiers pour l'individu qui dit qu'il n'y a pas de saut métier. Okay? Puis plus l'individu a un métier saut, moins il y a de saut métier. Parce qu'il faut qu'il se protège psychologiquement. Mais le vidangeur ou l'architecte pris un dans la société, qu'est-ce qu'il vaut à l'extérieur du contexte? Mais là, tenu en plein milieu du désert, puis où est la différence? Ils vont mourir tous les deux de faim, puis de soif. Alors, où est la différence? Mais dans la société, parce que l'individu est dans un cadre où il se croit fort. Le gars qui rentre dans les forces armées, il se sent tough, parce qu'il se sent baqué par les forces armées en arrière de lui. Mais lui, l'individu même, il a tout changé en étant rentré là, pas pantoute. Sauf que psychologiquement parlant, il se sent beaucoup moins coupable de bien des choses, il peut même tuer au nom de la patrie. Mais quand il n'y a plus de forces armées en arrière de lui, il y en a que c'est des enfants en tabarnouche qui sont au niveau de l'armée et qui vont là pour protéger psychologiquement leur faiblesse, leur sentir de culpabilité de bien des choses. Ils vont là pour essayer, puis ils ne peuvent pas se prendre en main, ils ne peuvent pas se débarrasser de leur drogue, ils ne peuvent pas se débarrasser d'un paquet de complexes, ils peuvent pas se débarrasser d'un paquet de choses qu'ils ont. Ils vont dans l'armée en espérant qu'eux autres vont leur en débarrasser. Eux autres ne débarrassent pas les individus de quoi que ce soit, ils ne les nettoient pas. À moins qu'ils leur fassent un lavage de cerveau total puis qu'ils en fabriquent un autre individu, mais c'est pas ça qu'ils font non plus. Par contre, toi, tu finis comme en fumant. Tu finis parce que tu portes un uniforme, parce que tu as fait un certain entraînement. Tu finis par avoir l'impression que tu es à toi tout seul les forces armées. Mais mets ton soldat en plein milieu du désert, tenu à côté de n'importe qui, il est identique. Alors, ce qui fait qu'en fin de compte, ton individu, ta société, elle se sent toujours coupable, même si elle emploie des mécanismes incroyables pour arriver à cacher sa culpabilité. Puis cacher sa culpabilité, c'est pas s'en sortir. T'as toujours un moment donné qu'elle te retourne en face. Tout le temps. On parle des mécanismes de l'ennui. À un moment donné, il y a des choses qui reviennent. L'ennui, la fatigue, c'est des portes ouvertes à la culpabilité. À cette honte-là, à cette gêne-là, à cette peur d'avoir eu tort, cette peur de ne pas être correct en face de toi ou en face de d'autres. Mais en face de d'autres, tout le temps en face de toi. Parce que tu as le concept, il faut que tu sois correct en face de d'autres. Donc, si tu n'es pas correct en face de d'autres, tu n'es pas correct en face de ton concept. Donc, tu n'es pas correct en face de toi. Le chemin pour s'en libérer, c'est pas une lutte contre la culpabilité, parce que là, tu vas finir par te sentir coupable d'être coupable. C'est le piège. Alors, le chemin, c'est ça. C'est qu'il faut que tu tu mets de l'intelligence dedans toutes tes... Je sais pas comment on le dit. Tu rends ça intelligible, que tu réfléchisses d'une façon intelligente. L'intellect est très bon pour ça. Intellectuellement parlant, tu peux faire très, très, très bien le travail, à la condition que ce soit de l'intellect pur, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'émotivité. Si tu juges, c'est de l'intellectualisation qui est mêlée d'émotivité. Tout le temps. Donc, si on fait une petite récapitulation, c'est contagieux ton affaire. Fion. Si on revise ces étapes-là, on a l'individu, pour reprendre l'exemple du bonhomme qui veut entrer dans une librairie ésotérique, on a l'individu qui se sent coupable, qui est dans un cheminement pour se débarrasser de sa culpabilité, va l'observer, va la vivre, donc va rentrer. Ouais. L'observant va désamorcer parce que maintenant, l'ayant fait, il s'attache plus à l'idée de ne pas le faire ou qu'est-ce que le monde aurait pensé s'il le faisait ou le faisait pas. Après ça, ton individu... Il y a différentes phases que l'individu va suivre en rentrant dans la librairie. Donc, prenons comme exemple toujours la librairie. Il regarde un peu partout, puis à un moment donné, quand il n'y a pas trop de monde sur le trottoir, il rentre. Puis il attend qu'il n'y ait pas trop de clients dans la librairie. Bon, c'est de moins en moins de même parce que de plus en plus, on en parle des autoristes. Mais ça a été longtemps culpabilisateur. Alors, parce que je me souviens, j'avais ma librairie, moi, puis plein de personnes qui venaient acheter des boules de cristal pour donner un cadeau à leur sœur. C'est du monde qui en voulait une, puis ça faisait longtemps. Mais là, il y avait de maudites excuses pour en acheter une. Les tarots, c'était pareil. L'encens, c'est bon, mon frère aime ça, j'y en achète tout le temps. Je me demande c'est qui aime l'encens, tu sais. Alors, ce qui arrive, c'est que la personne, elle rentre, quand il n'y a pas trop de monde, elle réussit à rentrer, puis elle a une certaine satisfaction. Mais si elle s'attache à sa satisfaction, elle peut s'amuser, oui, elle peut s'amuser à se sentir coupable souvent, puis à lutter contre la culpabilité pour pouvoir vivre cette satisfaction-là. Alors, sa satisfaction, elle va la garder, la conserver, pour pouvoir la répéter, puis elle peut rester une personne qui va se sentir coupable. Il peut venir un temps où elle se sent plus coupable de ça. À un moment donné, elle va sentir... Elle peut triper de se sentir coupable juste pour pouvoir lutter, pour avoir la satisfaction de s'être libérée. Parce que quand tu te libères de quelque chose, il y a toujours une satisfaction qui est mémorisée par l'astral, puis que l'astral tend à faire revivre. Tu tends à vouloir y mettre une continuité dans le temps. Même chose pour n'importe quel plaisir. Mais tu te sens plus coupable de la chose. Tu vas peut-être te sentir coupable. Mais le lendemain matin, tu peux encore avoir de la misère à rentrer dans ta librairie ésotérique, même chose, tu sais. Mais après ça, quand ça devient une habitude, tu te sens plus coupable. Quand ça devient une habitude, non, mais tu te sens coupable d'autres choses. Parce que c'est ça qu'il y a. C'est que l'individu qui rentre, à un moment donné, une fois qu'il est rentré, il dit « Bon, ben là, c'est correct, je suis rentré, fait que j'ai autant profité pour pouvoir fouiller et tout ça. » Mais il sent tout le temps coupable, l'individu. Mais là, il occupe sa pensée, là, pour ne pas avoir à percevoir à l'intérieur de lui les parcelles de la culpabilité. C'est pas correct, il la vit pas, il la camoufle encore une fois. Alors là, c'est un cheminement qui est normal. Il faut venir à un moment donné où c'est qu'il faut que tu regardes ton livre, là, puis là, tu t'observes. Qu'est-ce que j'ai de l'air ici? Là, tu regardes dans la librairie, là, puis tu regardes le monde autour de toi, là. Bon. Fait que maintenant, si tu fais pas ça, tu désamorces pas. Oui, exactement. En faisant ça, là, tu prends conscience, puis là, tu dis, là, justement, tu te désamorces, tu te sens plus coupable. Qu'est-ce que j'ai de l'air? Tu as l'air d'un clown, tu as l'air d'un fou, puis c'est important. Quand on est sorti du site, là, même s'il rit, qu'est-ce que ça fait? Bon. Là, tu t'observes le monde, ils ont tout l'air sérieux, puis ils parlent entre eux autres, puis ils sont tous du monde comme toi. Puis le libraire vient s'en mêler, puis il a l'air d'être du monde comme toi. Puis tout ça. Moi, j'ai déjà demandé à un gars, j'étais dans une exposition, j'étais conférencier, ça fait des fois quelques années, puis il y a un exposant qui avait une librairie ésotérique. Puis ça m'intriguait. Les gars qui ont ça, ils croient-tu à ça? Fait que je vais le voir, puis je demande, tu sais ce que tu vends là, puis tout ça, là, tu crois-tu à ça? Le gars me répond, il dit, ben, vois-tu, moi, depuis longtemps, je m'intéresse à ça. Puis les livres coûtaient tellement cher que je me souviens à une librairie. Ah! Tu sais, je pensais que le gars riait du monde. Mais non, le gars, il crée ça bien plus que moi, c'est ouvert à une librairie. Puis quelques années après, t'as fait pareil. Eh oui, quelques années après, moi aussi, j'ai ouvert une librairie ésotérique. Puis le monde qui rentrait pensait que je riais d'eux autres, que je criais pas à ça. Tu sais? Alors, ce qui fait que tu rentres dans ta librairie, tu t'observes à un moment donné. Faut pas que t'occupes ta pensée à fouiller d'un livre ou ben non, à acheter une affaire ou deux puis sacrer ton camp puis après ça te dire j'étais courageux. C'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Disons qu'à ce moment-là, t'as peut-être dépassé pour une fois ta culpabilité. Oui. Et après ça, ben t'essayes de l'oublier. C'est une victoire, mais t'as pas gagné la guerre. Ah, t'as pas gagné la guerre parce que la culpabilité, elle va revenir tant que tu vas laisser l'importance s'accaparer de tes idées. Tant que tu vas mettre de l'importance sur tes idées, sur tes concepts. Tant que tu vas mettre. Parce que l'orgueil, c'est un concept. Tant que tu m'attaches de l'importance à toi, t'es sujet à la culpabilité, la gêne, pas l'honte, qui sont toutes des expressions différentes de la culpabilité. Mm-hmm. Alors, à un autre moment donné, tu vas dire, bon, j'ai réussi avec ma librairie ésotérique, c'est bien bon. Maintenant, va-t'en avec un nudiste. Tu vas voir que la guerre n'est pas gagnée. Puis c'est plus simple que ça, tu viens qu'à aller à l'église. Pour certains, c'est gênant, tabarnouche, je vais à l'église. Ou encore, c'est gênant de pas y aller. Ou d'y aller habillé, pas pour suivre la parade de mode habituelle. Puisqu'il y en a beaucoup qui vont à l'église parce que c'est une parade de mode. Bon. Fais n'importe quoi. Tu vas à l'église à un moment donné pour te tester. Là, tu sais, c'est intelligent. Faut pas t'en prendre l'habitude. Mais au lieu de mettre de l'argent dans le pot du bonhomme, t'en ramasses. Tu y remets après. Tu sais, pour voir la réaction du gars. C'est une étude. Le gars, il va se sentir coupable, gêné au coton parce que ça se fait pas pis tout ça. Mais ça, c'est son affaire à lui. Ça, c'est sa culpabilité à lui. C'est... Tu peux prendre de l'argent pour avoir du change, puis tu donnes un 2. Oui, exactement, puis c'est ça, tu as fait de quoi de bien correct. Ça, j'ai bien, bien correct. Tu prends de l'argent pour avoir du change, tu changes ton, tu sais, mais tu t'observes toi là-dedans. Même le prêtre tu commences à rire du bonhomme, ton rire vient cacher ta culpabilité, puis tu te fais encore fourrer par la culpabilité, puis par l'astral. Tu es encore manipulé. Tu es manipulé par ta nervosité. Tout le temps. Alors, il faut réellement que tu expérimentes au niveau de ta vie. Mais t'as pas besoin de faire des expériences, tu sais, de bâtir une expérience. T'as rien qu'à vivre simplement. Puis tu te rends compte qu'il y a bien des schémas de culpabilité. T'as pas fait la vaisselle à soir, ta femme t'engueule. suffisamment d'expérience sans avoir... Il y en a en masse où c'est qu'on essaie de te manipuler, tu veux te coucher, puis l'autre, il veut que tu aies la vue avec lui, puis là, il te traite de n'importe quoi. Tu sais, il y a des manières de manipuler. Ton patron qui te reçoit, que tu t'en vas le voir, puis qui est au téléphone, il est debout sur le bureau, puis qui fait comme si tu n'étais pas là, puis quand il raccroche son téléphone, il ne te regarde même pas, il demande qu'est-ce que tu veux, puis là, il fouille dans ses papiers, puis il vient les papiers de bord, puis il close une chemise pendant que tu parles, puis tu as l'impression qu'il ne t'écoute pas pantoute. Puis après ça, là, il s'enlève la tête, il dit votre nom, c'est quoi déjà? Bon, il t'a même pas écouté pantoute. Ça, c'est des mécanismes de culpabilité que le patron essaie d'engendrer. Bon, t'en as plein dans ta vie tout le temps. Tu sais, t'as un flat sur la rue. Tu sors. Il y en a qui sont gênants, maudits, d'avoir un flat sur la rue. J'ai l'impression que, tu sais, le monde va penser que mon char n'est pas bon. Tu sais, t'es en panne sur le chemin, là. Tu sais, t'es en panne. Tu ouvres ton haut, tu te spots là-dedans, tu sais. Tu t'as acheté un char neuf, ben, t'as acheté une minoune, puis tu penses que tout le monde t'a fourré, tu sais. Tout le monde pense que tu t'es fait fourrer, pis tout ça. T'as un qui a checké dans ta vie, bien, bien courante, puis tu te rends compte que, maudite affaire, que t'es manipulé par la culpabilité, puis continuellement, puis sans arrêt. Fait que là, t'as des expériences extraordinaires, sans avoir de casser la tête, pour te libérer de ça. Puis quand t'es libéré de la petite culpabilité, t'es automatiquement libéré de la culpabilité. Il n'y a pas de problème. C'est parce que tu parlais tantôt de une fois avoir vécu l'expérience de la librairie, de l'aller... d'aller vivre autre chose qui te culpabilise. Donc, c'est jamais fini non plus. C'est fini, Alain. Non, ça veut dire que c'est fini. C'est que tu vas... dépasses chaque concept. Oui, mais il va venir à un moment donné que le concept est dépassé à l'instant même qu'il instaure en toi la culpabilité. Comme la peur. À l'instant même où c'est qu'il y a un petit quelque chose qui part, il y a un mécanisme réflexe qui est maintenant développé à l'intérieur de toi, qui l'observe, puis tu deviens de plus en plus conscient de ton vécu réel. Puis ces choses-là laissent pas de traces en toi. Ça vient quand, ça? Ça s'installe. Ça vient quand? Ça vient le 28 avril de chaque année. Non? Ben, tu me demandes quand, là? Mais je veux dire... Ça vient quand l'individu est prêt, torieux. Donc, qu'est-ce que je veux dire? C'est que c'est une chose qui va venir après l'étude des concepts puis des avoir mis à sa place. Puis à un moment donné, est-ce qu'il faut que tu ailles toute place à sa place? Ou à un moment donné, c'est... Faut pas que tu aies fait quoi que ce soit. C'est des choses qui sont normales. Tout ce que tu as à faire, c'est comme j'expliquais, c'est de t'observer. Quand tu es dans ta fichue librairie, à un moment donné, arrête de regarder les livres, arrête de fouiller, puis arrête de vouloir cacher. Observe-toi. Tu vas te sentir coupable, continue à t'observer. Tu te sens plus coupable, continue à t'observer. Tu te sens libéré, continue à t'observer. Tu te sens tout le temps libéré. Mais là, bouquine tes livres ou sors de la librairie, t'as réussi ton épreuve. Tu sais? C'est simple, c'est l'observation. Puis dans la vie quotidienne, c'est la vie quotidienne qui te culpabilise. C'est là-dedans qu'il faut que tu fonctionnes. Puis c'est tout le temps dans l'observation, pas dans la lutte. Dans la lutte, il y a seulement un autre conflit qui est créé. On se bat pour la paix. Mais t'es orieux, pendant qu'on se bat pour la paix, c'est la guerre. Alors, c'est la même chose à l'intérieur de l'homme. C'est dans l'observation. Dans l'observation intelligente de n'importe quel conflit ou problème, il y a toujours la solution. Puis l'observation, c'est pas une observation qui est mêlée d'émotions, c'est pas un jugement que tu dois porter. Si tu portes un jugement, tu t'approches encore une fois de la culpabilité. C'est pas une condamnation, c'est pas une accréditation, c'est une observation intellectuelle, donc sans émotion, sans polarité, une observation. Puis automatiquement, en observant, tu vois tout. Puis en voyant tout, ça ne laisse plus de traces, ça ne t'attache pas. Tu vois comment c'est illusion. Tu vois comment c'est une farce. Tu vois tout. Puis c'est pas un état technical. C'est pas un état... c'est quelque chose de naturel, de normal. Absolument normal. Tu as deux mécanismes qui font que tu arrives à l'état de béatitude. La fuite inconditionnée de la responsabilité ou de l'événement par la perte de conscience de cet événement-là. T'autres, un joint d'enfant, il part à broyer, tu en donnes un deuxième, il arrête, il oublie tout, il continue. C'est un moyen. Il n'a pas réglé son conflit, mais il se sent bien. Les yogis vont faire ça, ceux qui se droguent vont faire ça. Prendre de la boisson, c'est la même chose. Écoutez, bon, pensez à d'autres choses. Comme le gars qui rentre dans la librairie, il se sent coupable, puis il décide de regarder les livres bien vite, puis il bouquine, puis il check tout, là. Mais ben, le gars, il occupe tellement sa pensée qu'il ne peut plus percevoir la culpabilité qui est quand même là, sous-jacente. Puis l'autre état qui t'amène, l'autre moyen qui t'amène au même état de libération, mais qui est un état de libération réelle, ben, c'est celle de ne plus avoir de culpabilité. Tu ne maîtrises pas ta culpabilité, tu n'en as pas. Tu ne maîtrises pas ta colère, tu n'en as pas. Tu ne maîtrises pas ta peur, tu n'en as pas. Libération. Culpabilité, c'est un des freins énormes, vers la libération, parce que la culpabilité te ramène toujours à des schémas mémoriels, à des concepts, pour te dire que ce que tu viens de faire, là, ben, c'est pas comme que tu avais pensé, puis c'est pas comme que tu avais appris, ou comme qu'on a appris pour toi il y a 2000 ans. Comment veux-tu évoluer à reculons, attaché par un million de fils qui te tirent vers en arrière? Tu peux pas. C'est un bon chemin, la culpabilité, pour l'homme de Cro-Magnon, puis pour l'astralopithèque, c'est-à-dire les hommes qui sont liés à l'astral. Une race très moderne. Alors, le chemin de la culpabilité est pour eux autres, pas pour l'homme intelligent, pas pour l'homme qui prend lentement contrôle de ses émotions, puis qui se rend compte que l'émotion, c'est bon, esclave, puis que le concept, l'idée, c'est bon, esclave, tant que tu ne donnes pas d'importance. Donc, à mesure que chaque individu va atteindre cette libération-là, la société, je présume, va devenir aussi... Mais la société est créée par les individus. Et cette société-là va nous amener à un monde sans culpabilité. Oui, mais c'est pas important. L'important, c'est que l'individu ne se sente plus coupable. La société, on s'en fout. C'est évident que si tu as 1 million d'individus d'une société puis que 1 million d'individus n'ont pas de culpabilité, ben la société ne se sent pas coupable. Mais ça, c'est pas important. L'important, c'est pas de commencer à vouloir tout de suite enseigner la non-culpabilité aux autres. C'est d'être capable de la vivre soi-même. C'est tout. Tu peux pas enseigner à quelqu'un la culpabilité s'il n'est pas prêt. Et puis, tu vas l'enseigner surtout toi, en te sentant pas coupable. Tu peux en parler. Tu peux agir. Tu peux faire des choses. Comme on peut pas enseigner la conscience. Exactement. Tu peux pas enseigner la conscience. C'est impossible de pouvoir décrire la beauté d'un coucher de soleil à un aveugle de naissance. Bon, mais de même, la conscience, tu peux pas l'enseigner à quelqu'un qui a pas la conscience. Par contre, en parlant, ça peut lentement amener un individu à prendre conscience. Mais la conscience, il va la vivre lui-même. La culpabilité, il va s'en débarrasser lui-même. Tu peux pas s'en débarrasser pour lui. Ça, c'est évident. Mais c'est un chemin facile. Faut en parler. On en parle comme on fait présentement. On en parle à d'autres moments donnés. Et puis, vient un temps que, ben, on commence à le vivre, on l'expérimente. Puis, il faut communiquer. La parole, c'est libérateur, mais c'est libérateur à la condition qu'on ne remémore pas un paquet de cossins qu'on a fait. J'aurais pas dû faire ça, puis j'aurais pas dû faire ça. Mais non, ils m'ont encore pogné, puis mon boss, il veut rien savoir de moi. Là, la parole était destructeur. La parole, c'est puissant. Mais il faut s'en servir de la parole comme un outil de construction. J'entends, mais je me sens encore en senti coupable. C'est-tu niaiseux? Tu sais, puis là, t'étudies ton affaire à haute voix. Poigne dans ta tête, à haute voix. T'en parles, avec d'autres. Puis à un moment donné, parce que parler avec d'autres, c'est une expérience. Aussi réelle que de manger une claque sans face. C'est une expérience. Tu peux faire du mal en crime en parlant à quelqu'un, comme tu peux l'aider en tabarnouche. Alors, c'est pareil. Comme tu peux t'aider aussi. Automatiquement, quand t'en parles, tu t'aides. C'est pour ça qu'il faut que t'en parles. Puis même quelqu'un qui a l'air à amener les solutions, souvent, il les apprend les solutions. Puis même quelqu'un qui amène des solutions, des fois, ne vit même pas ces solutions. Pas important, la solution est bonne, je me fous bien qu'il vive ou non. Imbonne. Alors, il faut en parler. Puis à un moment donné, la culpabilité, on ne l'a plus parce qu'on s'observe quand on vit. Il faut écouter. Ah ben oui, mais il faut parler aussi. Très, très, très, très important. Est-ce qu'il faut s'écouter parler? Oui, on enregistre ça sur cassette puis on s'écoute. Puis il vient un moment donné qu'on s'écoute parler en même temps qu'on parle. On apprend. On fait des conférences dans ce temps-là. C'est ton cas. Alors, ce qui fait que la culpabilité, on a vu que c'était un piège. On a vu que c'était un frein. Puis le gros piège de la culpabilité... Pour celui qui veut s'en libérer, c'est de se sentir coupable d'être coupable. Alors, ce qui arrive, c'est que, en t'observant, en vivant ta culpabilité, en vivant ces choses-là, tu finis inconditionnellement par arriver à t'en libérer. Ça, t'as pas le choix. On a tourné pas mal ça sur tous tes angles, la culpabilité. Maintenant, faut le vivre. Faut le vivre. Les enfants qui ont la chance de naître maintenant, enfin, la chance, c'est juste un terme, de vivre maintenant, de naître dans un siècle où est-ce que la culpabilité va tendre à disparaître. Comment se fait-il qu'elle n'est plus présente, disons, génétiquement parlant, chez eux? La culpabilité ne vient pas avec la génétique, elle vient avec l'éducation. C'est une génétique psychologique, l'éducation. Une génétique aussi solide que la génétique biologique. Mais c'est différent. L'enfant apprend, mais l'enfant a un cerveau de plus en plus développé par une génétique physique. C'est là que je vais en venir. Il embarque beaucoup moins dans automatiquement, ces choses-là. Parce qu'il y a un cerveau différent. Il y a un cerveau beaucoup plus développé. Un enfant de 12 ans a beaucoup plus de connaissances que Léonard de Vinci rendu son apogée. Alors, pourquoi? Parce que l'enfant a des possibilités d'apprentissage extraordinaires, puis il y a un cerveau qui lui permet d'apprendre, justement. Alors, ce qui fait que ces enfants-là, par l'expérience, ils vont réfléchir différemment de l'homme adulte. Ces enfants-là vont facilement se rendre compte qu'il y a des choses qu'ils vivent et qu'ils veulent pas. Mais ils vont surtout se rendre compte qu'ils vivent et que c'est stupide. Bien plus vite qu'un homme, bien plus vite qu'un adulte. Ils vont arrêter de s'en culpabiliser. Ben, ils vont chercher, en tout cas pour l'instant, ils vont aller voir les adultes. Les adultes vont leur dire simplement que s'ils pensent de même, c'est parce qu'ils ont fait un péché, ben non, en tout cas. Dépendant de la chance qu'ils ont, parce que tout à l'heure tu disais chance, mais c'est parce que c'est eux autres qui sont en pleine période de crise mutative. Alors, ce qui fait qu'eux autres, ils n'ont pas la chance, mais ils ont la chance, c'est un gros mot, mais les autres, ils vont souffrir en tabarouette, parce qu'ils ont toute la possibilité de vivre dans un monde qui est déjà intelligent, mais hélas, ils naissent dans un monde qui est seulement en période de transition. En instance de devenir intelligent. C'est ça. Alors, c'est ces enfants-là, justement, qui vont être les éducateurs des temps nouveaux, du temps du verso, des temps qui s'en viennent. Mais en attendant, ils vont manger une claque. Mais l'éducateur, faut que ce soit fort. L'éducateur, il faut qu'il mange la claque. Les enfants vont souffrir, mais ils vont apprendre. Les enfants ont la même éducation qu'on a eue, ou presque. Il y a du changement quand même, là. Parce que les adultes, il y en a un mot de paquet qui se réveille. Dans les plus hautes sphères de la société comme dans les plus basses. Mais la masse est quand même encore endormie. Alors, les enfants, ben, naissent de la masse. Alors, ils en ont en masse, d'ailleurs. Et puis, ce qui arrive, c'est que ces enfants-là ont la capacité de se rendre compte qu'il se passe des choses à l'intérieur d'eux autres, que ces choses-là, c'est stupide que ça se passe. Mais ça se passe à l'intérieur de tout le monde, à l'intérieur des adultes, à l'intérieur de tous les individus. Ça se passe au cinéma, ça se passe à la télévision, ça se passe à la radio, ça se passe dans les livres. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, ils se demandent en tabarouette ce qui arrive avec eux autres. C'est dur. Mais, veux pas, tu sais, comme toi, tu t'intéressais à l'ésotérisme, puis à un moment donné, tu veux plus t'en intéresser. Mais veux pas, viens à un moment donné, ça te tombe encore dans la face, ça t'intéresse encore, ça te suit dans ton sommeil. Ces enfants-là, ils ont beau vouloir se cacher, ils ont beau vouloir fuir par la musique, par la drogue, par la cigarette, par les gros groupes d'amis, par n'importe quoi. Il n'y a rien à faire, ils vont toujours être hantés par ça, par le pourquoi. C'est-tu important? Puis à un moment donné, ben, ils vont avoir leur réponse. Non, c'est pas important. Pourquoi? Parce que... Puis ils vont être libérés. Puis ça, c'est le même chemin à peu près qu'on va suivre nous autres, sauf que les autres, ils vont le suivre plus vite. Ils vont souffrir un peu plus. Quand tu arraches une rose, ben, tu apprends lentement. Puis ça fait mal quand tu pognes les épines. Nous autres, on l'apprend lentement un petit peu tous les jours, puis on souffre toute notre vie. Mais ces enfants-là, à un moment donné, ils vont s'écœurer, ils vont pogner d'un coup sec, puis ils vont l'arracher. Ils vont souffrir un instant, pas mal plus fort que nous autres, mais après ça, ils ne souffriront plus. Ça va être dur, c'est un moment de transition. La différence serait au niveau des concepts. Il y a quelque chose dans ces enfants-là qui fait que les concepts n'ont pas autant d'emprise. Ah, ils savent justement qu'un concept, c'est une idée. Ils savent pas tout. Ils ont le feeling, ils ont l'idée. L'énergie commence justement à descendre facilement à eux autres parce qu'ils ont un bien meilleur canal. C'est un canal physique beaucoup mieux adapté que le nôtre, celui d'adulte, à cette réception-là d'énergie. Mais il y a plein d'adultes présentement qui commencent à le voir. Mais c'est compliqué pour l'adulte aussi. Parce qu'il est dans un milieu de travail qui va à l'encontre de ce développement-là. Mais l'enfant est dans un milieu scolaire, dans un milieu d'éducation qui va totalement à l'encontre de ça. Sauf pour quelques rares élus qui sont dans des maudites de bonnes familles, puis ça va bien. Ça, c'est la minorité, très, très, très minoritaire. Mais à un moment donné, ces enfants-là, qui sont d'ailleurs guéris différemment des adultes présents, qui ont un cerveau légèrement muté, vont découvrir plus vite que nous autres, puis se rendre compte. Comme je disais à un moment donné, les enfants savent ce qu'ils veulent plus, mais ils savent pas ce qu'ils veulent. Mais c'est une phase importante dans n'importe quelle transition. Demain ou plus tard, les enfants vont savoir qu'est-ce qu'ils veulent, point. Ah oui. Mais en attendant, ben il faut qu'ils cherchent. Ils savent ce qu'ils veulent plus, puis ils veulent plus embarquer. C'est extraordinaire, pareil, le phénomène de la différence. Un individu normal, les populations antérieures, quand ils savaient ce qu'ils voulaient pas, ben ils continuaient à le garder tant qu'ils ne découvraient pas ce qu'ils voulaient. Puis quand ils découvraient ce qu'ils voulaient, ils tardaient encore à changer parce qu'ils n'étaient pas sûrs. Il avait peur. L'homme préfère souffrir dans du connu que de risquer un bonheur inconnu. Ces enfants-là savent ce qu'ils veulent plus. Puis ils sont déjà en train de lâcher ça. Malgré que ça fausse qu'ils vont. Puis ça, c'est un mot du changement radical dans la psychologie humaine, qui s'est fait tout seul, instantanément. Puis à un moment donné, ben, ils vont découvrir ce qu'ils veulent. Alors, il y a énormément de contraintes qui sont appliquées aux enfants, qui sont appliquées aux individus, qui les empêchent justement présentement d'arriver à pouvoir découvrir ce qu'ils veulent. Ce qu'on leur offre, c'est pas bon, ils le savent. Aller chercher quoi d'autre? Ben, aller au cinéma? Ils vont voir le créer. Ben oui, alors ils vont le créer dans leurs esprits, la drogue est très utile pour ça. Le rêve, la boisson, la cigarette, ben ben des amis pour entrer ensemble, qui ont des contraintes technologiques, qui ont des contraintes éducatrices, qui ont des contraintes familiales, qui ont des contraintes physiques, qui ont des contraintes sociétaires. Pauvres autres. Mais bon. À un moment donné, ben c'est ça. C'est des enfants qui sont proches de la révolte. C'est une population en révolte, puis elle sera pas trop tranquille. Elle sera pas matérielle, ça sera pas casser des vitrines. Bon, si tu as des tendances là-dedans, un peu de violence, mais ça, c'est simplement une projection de l'enfant sur l'extérieur, puis c'est lui-même. Bon, c'est des vestiges de son éducation quand même, là. Mais à un moment donné, ces contraintes-là, il va les mettre à terre. Puis mais c'est parce que c'est pas la masse qui peut changer. C'est l'individu dans la masse qui va changer. Ces enfants-là vont vieillir, puis ils vont avoir la possibilité et les moyens de créer qu'est-ce qui leur manque. Oui, mais ça n'a pas tout le temps été comme ça. Mais là, oui. Ces enfants-là, c'est des enfants qui sont surdoués comparativement à ce qu'on a été, à ce que nos parents et nos arrières ont été. Alors, ils vont justement avoir la possibilité, et non seulement la possibilité, mais ça va être leur temps. Ils vont arriver dans un bon rythme, bien chronométré, où les temps vont être parfaits pour que ces enfants-là changent la société, changent la conception même de l'humanité. On appelle ça une mutation. De la cinquième race, on va passer à la sixième. Cette mutation-là, cette différence entre les enfants précurseurs de la sixième race et nous qui sommes encore de la cinquième, n'est pas seulement physique ou physiologique. Non. Il y a d'autres corps qui... La psychologie même va changer. C'est-à-dire que l'astral, le corps des émotions, le corps des mémoires, va être de plus en plus purifié. Et puis, va être contrôlé par l'intellect. C'est ce qui arrive présentement. Mais la phase mutatoire qui est finale, c'est quand l'intellect, au lieu d'être manipulé par la forme astrale de sa composition, va être manipulé par la forme intelligente, par la forme supramentale de sa composition, de son être. Là, c'est une mutation. Présentement, on est en contact avec, on est manipulé par l'astral. À un moment donné, ça va être les formes supramentales qui vont maîtriser ou qui vont contrôler les individus. Et la culpabilité, ce serait le fouet que l'astral utilise pour manipuler l'intellect et tout ce qui vient en dessous. Entre autres, la peur. Puis la culpabilité qui est une forme très, très raffinée de la peur. Donc, le fouet va être jeté aux ordures. Oui, aux orties, dirait Jésus. Et on va avoir un nouveau maître ou une nouvelle force directrice qui va être l'intelligence. Ou Dieu, ou mon père, dirait encore Jésus. Ce qu'il a enseigné était parfait, adapté à son époque, c'était génial. Josué, le Nazaréen, était, dans son temps, ce que certains des enfants vont être dans notre temps, dans leur temps. Mais on va en avoir plusieurs. Et de plus en plus. C'est commencé. Les parents le savent. Les parents qui le savent en tabarnouche. Les enfants de 3 ans qui commencent à dire à leur père de rester couché au lieu de commencer à le crier après. J'en ai un de mes amis, c'est comme ça. Il est couché dans son lit, puis il dit à son petit-fils de 3 ans d'arrêter de parler, parle trop fort. Puis l'autre, il répond, toi, reste couché, puis dors. 3 ans. Imagine-toi à 4 ans. Alors là, ça va être... Imagine-toi à 12 ans! Tu sais, c'est commencé, puis il y a beaucoup de familles qui le savent. S'ils le savent pas, ils savent pas ce qui se passe, ils pensent que leurs enfants sont anormaux. Tu sais, les écoles de surdoués, là, il y avait une classe au Canada avant. Puis là, ben merde, ils savent plus où en mettre, parce que quasiment tous les enfants sont surdoués. Tu sais, alors ben, c'est des classes de pas doués qu'il va falloir trouver, parce que les enfants sont de plus en plus surdoués, mais les professeurs sont pas prêts. L'adulte n'est pas encore prêt à ça. Pas la masse. Mes enfants changent en tabarouette. Pour rester dans le sujet de la culpabilité, est-ce qu'on pourrait dire que le, pas combat, mais l'affrontement, la transition entre la cinquième et la sixième race va se faire au niveau de la maîtrise des concepts, donc la culpabilité? Oui. Quand l'individu va savoir que ses concepts, que ses idées, donc que ses mémoires, que ses apprentissages, que ses expériences ne sont que des formes mortes d'un événement qui a été une réalité. Quand l'individu va arrêter d'attacher une importance importante à ses formes mortes là de sa vie, automatiquement l'individu ne sera plus assujetti à tout ce qui a été vécu, à ses expériences, à sa mémoire, à ses émotions. Puis l'individu va commencer à vivre dans la réalité. Il va commencer à goûter la réalité, il va commencer à vivre avec, à naître avec, il va connaître avec la réalité. Il va donc connaître la réalité comme elle est. Et l'individu va commencer de plus en plus à se rapprocher d'une phase intuitive d'intelligence, une phase intuitive de contrôle. L'individu ne va pas juste apprendre par apprentissage. L'individu va savoir instantanément ce qu'il a besoin de savoir pour l'expérience qu'il va être en train de vivre. Donc, passer vibratoirement de la cinquième à la sixième sous-race. Sixième race. Mère. Oui. Racine. Donc, là-dessus, on se laisse. On a les clés en main. Il s'agit de les appliquer. Mm-hmm. On a cerné le problème, sauf que l'individu doit le faire dans son vécu. Parce qu'une forme intellectuelle, c'est utile, mais c'est pas une clé. Donc, à la prochaine, Daniel. On traitera d'autres sujets aussi intéressants. Thank you.